À l'émission Dans le vestiaire, animée par Dominique Bolduc et Michel Tifo, le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, Richard Martel, a fait le point sur les rumeurs qui entourent Robert Vall. Donc, on écoute cette entrevue. Je vous dis tout de suite, il manque quelques secondes à l'entrevue, mais vous ne manquez rien. Donc, on se joint à l'entrevue en cours. 17-2018. Ben, d'après moi, ça a été quand même une bonne saison. Puis on va juste se remémorer un petit peu le pourquoi que j'ai accepté le poste de commissaire. C'est que durant tout l'été passé, on savait pas s'il allait avoir une ligue. Il y avait 5 clubs. Puis à 5 clubs, ça décollait pas. Alors tout le début, tout durant juillet, juin, juillet, je me promenais, moi, à Jonquière, je me souviens. Il va-tu avoir une ligue, Charles? Il va-tu avoir une ligne? Ça va tomber. Puis là, à un moment donné, ben, Christian Deschênes, une chance que la Ligue a eu Christian Deschênes, parce qu'il a trouvé un investisseur pour s'occuper de l'équipe de Trois-Rivières où Trois-Rivières avait déjà eu des difficultés dans le passé. Puis il a accepté de prendre Trois-Rivières, puis à partir de là, il y a eu une Ligue. Ça, ça s'est décidé quasiment en juillet, je me souviens plus trop, mais c'était tard. Mm. Alors, qu'est-ce que ça fait dans ce cas-là? Ça fait que les équipes en place n'ont pas le temps de faire le marketing. La cédule n'est pas sortie. Ça ne fait pas sérieux. Alors, les gens, ils me disaient, il n'y a pas eu beaucoup de monde au début de l'année. Il n'y a pas eu beaucoup de monde au début de l'année parce qu'il n'y a eu aucun marketing qui a été fait durant l'année. On ne savait pas s'il y avait une ligue. À partir de là, moi, j'avais discuté avec Marc Boivin. J'ai dit, Marc, on est 6. Moi, si je dirige dans la ligue, puis il n'y a plus de ligue après, t'sais, j'ai dit, j'ai pas grand motivation. Qu'est-ce que t'en penses, Marc, si je faisais une offre puis je m'occupais de la Ligue nord-américaine pour aller chercher des franchises, mettre une certaine crédibilité, après ça, mettre de la visibilité, puis aller chercher des commanditaires, tout ça. Puis Marc, tu sais, il était pas chaud à l'idée, mais il a dit, vu comme ça, Richard, parce qu'on a besoin d'expansion tantôt. Alors, à partir de là, ben j'accepte. Ça fait que c'est pour ça là, que j'ai pris le poste. Puis je l'ai pris pour un mandat d'un an. Un an plus tard, est-ce que la Ligue nord-américaine a besoin d'expansion? Non, mais la Ligue nord-américaine a besoin d'expansion depuis depuis qu'on est 5-6 équipes, tout le monde le dit. Ça prend de l'expansion. Pas d'expansion, cette Ligue-là, ça va devenir de plus en plus dur. S'il n'y a pas d'expansion, c'est parce qu'il n'y a rien qui fait que d'autres investisseurs s'intéressent à cette Ligue-là. Alors, il ne peut pas avoir une bonne réputation quand il n'y a pas d'équipe qui viennent cogner à la porte. Alors, à partir de là, ben, on s'est mis là-dessus, je te dirais, au début, mais surtout vers les fêtes. Là, aujourd'hui, ben, ça vient que ça commence à porter fruit, mais il reste qu'il faut être prudent parce que il y a 3 équipes qui sont dans un processus où ça va très bien, mais il n'y a rien de garanti à venir jusqu'à maintenant, mais je te dirais que ça sent bon. Parce que tout le monde veut qu'il y ait de l'expansion, puis c'était comme l'an passé. Il y en a-tu? Le monde, les gens disaient, il va en avoir, les gens qui étaient en place, puis il n'y en a pas eu. Fait qu'il faut faire attention pour ne pas mettre trop d'optimisme à ça. Il faut vraiment que ça se réalise. Alors, mais je peux vous dire que le processus est très bien enclenché pour ces 3 formations-là. Puis ça va très bien à l'heure où on se parle. Comment on peut expliquer, Richard, là, que c'est difficile d'avoir des expansions dans cette ligue-là? Pourquoi les hommes d'affaires sont réticents à embarquer dans la Ligue nord-américaine? Bon, premièrement, c'est que la Ligue nord-américaine de hockey, là, l'image s'est améliorée beaucoup. Mais dans le temps, la Ligue nord-américaine, quand tu parles de Ligue nord-américaine de hockey, c'est des bouffonneries puis des bagarres continuelles parce que tu as juste à taper sur YouTube. Quand quelqu'un veut s'informer de la Ligue nord-américaine, il s'en va sur YouTube. Sur YouTube, tu vois quoi? Une série de bagarres. Des bagarres. Alors, les investisseurs ne sont pas intéressés. Ensuite de ça, moi, j'ai fait le tour. Je voulais avoir des commanditaires comme Canadian Tire. Je voulais aller dans les banques. Non, les gars, les gens me connaissaient. Ils ont dit, Richard, on t'aime bien, là, mais tu nous demandes de mettre notre nom sur la Ligue nord-américaine ou... Eux autres n'entendaient parler depuis plusieurs années, puis ils ne sont pas au courant du changement, puis ils disent on ne peut pas s'identifier à votre ligue. Alors, c'est ce que j'ai dit aux propriétaires. Il faut sentir un changement, puis il faut sentir un changement sur les débordements, sur les choses qui n'ont pas sa place, tirer une chaise sur la glace. toutes sortes d'affaires. Un joueur qui monte des estrades se bat. Ça fait pas de sens, là. Mmh. Alors, c'est sûr qu'à partir de là, cette ligue-là peut fonctionner jusqu'à un certain moment en agissant comme ça. Mais au fil des ans, elle est en train de s'essouffler. Puis là, on ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Donc, moi, comme mandat, ils m'ont dit, Richard, puis j'aurais proposé. J'ai dit, je vais tout faire pour améliorer la crédibilité. La crédibilité, c'est quoi? C'est stopper les bouffonneries. Puis après ça, commencer à faire de la promotion avec les joueurs vedettes, les bons joueurs de hockey, au lieu de faire la promotion avec nos hommes forts. Parce que la culture change. Parce que la Ligue est rendue à 7 clubs, puis il était à 5 clubs, puis ça partait pas. Donc, il y a un problème, là. Il y avait un problème de ce calibre de jeu-là. Je comprends qu'il y a les partisans, les anciens partisans qui aimaient ce style-là. Mais ces anciens partisans-là vont plus au guichet comme avant. Puis ensuite de ça, bien, la Ligue a de la difficulté à vivre. Puis de l'autre côté aussi, je l'ai mentionné, la culture change, les habitudes changent, la relève des hommes forts ne se fait pas. Donc moi, j'ai dit au propriétaire au début, là, mettons-nous dans la tête, il faut que ça change, là, parce qu'on n'arrivera pas à ça. Puis la culture des hommes forts, les commotions cérébrales aujourd'hui, comme on les connaît présentement, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre qui se faisaient dans le passé sans connaître les conséquences. Richard, en pourcentage, oui. Richard, quelles sont les chances de voir Roberval et Berlin joindre les rangs de la Ligue nord-américaine au mois d'octobre? C'est cette année que je parle. Hein, oui, mais non, mais c'est pas que je veux. C'est ta question-là, je veux absolument te la poser. Là. Alors, je reprends ma question en pourcentage. T'as pas besoin de reprendre ta question, OK. Michel. Parce que je trouvais ça intéressant pour les amateurs. Mais non, mais c'est parce que j'ai beaucoup de questions. Absolument, parce que là, tu me demandes en pourcentage. Là. Présentement, je peux dire que c'est des gens qui sont très sérieux, avec de très bonnes crédibilités, OK, dans les trois places. Surtout oui. Au Québec, on les connaît très bien. Mais oui. Je veux dire, moi, on a discuté déjà avec eux. Et les dossiers sont menés présentement de main de maître, by the book, avec une bonne transparence avec la ville. Mais tu ne verrais pas un politicien, là, tu ne verrais pas. Je te demandais en pourcentage, Richard. Mais en pourcentage, là. Ouais. Je te dirais que l'équipe qui s'approche le plus des trois est Granby. Je te dis pas que les autres ne sont pas là. Je te dis, si on dit une des trois formations qui progresse plus rapidement que les autres, je te dirais que c'est le dossier de Granby. Puis en pourcentage, les chances de Granby de voir les voir dans la ligue, 80%? Alors, je pense que c'est... Non, tu me donnes le pouls. Ouais, tu me donnes le pouls. Ben, Roberval, étant donné que Roberval est proche de chez nous, là, les chances d'avoir Roberval, c'est-tu bon? Mais tu as eu l'entrevue hier avec M. le maire de Roberval, qui a très bien parlé en passant, qui a fait une très belle entrevue. Puis qu'il y a des discussions cette semaine qui vont avoir lieu encore avec les gens de là-bas. Puis de plus en plus, il y a une grande motivation à Roberval. Puis justement, je vais possiblement me déplacer encore une fois cette semaine. Puis on va discuter comme il faut, parce que là, on veut faire avancer les choses. Puis il y a des choses qui nous ont annoncé qui sont intéressantes là-bas. Alors, on va se déplacer. Je te dis pas. Alors, ça aussi, ça va très bien. Mais demandez-moi pas. Si on arrive à... Sais-tu pourquoi je te dis, demande-moi-le pas? Parce que ces équipes-là vont arriver à la table, puis ils vont dire, c'est quoi le fonctionnement du draft d'expansion? Si les équipes veulent pas avoir une meilleure ouverture pour le draft d'expansion, ils embarqueront pas dans la ligue. Parce qu'ils ont vu Vegas cette année, parce qu'ils ont vu l'engouement, puis ensuite de ça, une équipe d'expansion, quand tu as joué une ligue, c'est pas pour manger des volets à tous les soirs, c'est être capable de compétitionner avec les autres. Donc, à partir de là, il va falloir que les autres propriétaires donnent ces moyens-là à ces équipes d'expansion pour pas qu'ils restent là 6 mois puis qu'ils disent on n'est plus capable de toffer, on mange des volets à tous les soirs, j'ai pas de joueurs. Puis parlez-en à ceux qui ont déjà eu des anciennes listes ou des transferts d'équipes ou des nouvelles concessions. Il y en a qui ont mangé le bas, puis Marc Boivin va être en mesure de vous parler aussi au début. C'était extrêmement difficile. Alors, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Il faut leur donner une chance de compétitionner puis que le marché soit viable à long terme. Mais d'après toi, Richard, est-ce que les propriétaires actuels sont prêts à faire des sacrifices pour emmener de nouvelles équipes, de nouvelles franchises? Pas capable de te le dire aujourd'hui, mais il va falloir que les propriétaires, s'ils veulent de l'expansion, OK, puis s'ils veulent que cette ligue-là continue, il va falloir qu'ils commencent à penser ligue. Chose qui n'a jamais été faite dans le passé, parce qu'eux autres, ils plaçaient n'importe qui en avant, Puis quand ils prenaient un petit peu trop de décisions, ça ne faisait pas l'affaire d'un puis de l'autre, ils se mettaient tous contre lui puis ils voulaient le sauter. Alors, ça ne marchera jamais parce qu'en début d'année, il n'y en avait pas de commissaire. Puis moi, je leur ai proposé de quoi, puis ils voulaient commencer par commissaire. Enfin, alors, tu vois qu'il faut qu'ils commencent à progresser aussi les propriétaires puis à s'apercevoir qu'on s'en va dans la nouvelle ère de la ligne nord-américaine, puis c'est là qu'elle est viable. Alors, s'ils ne veulent pas faire de concessions, il n'y aura pas d'expansion, c'est tout. Les équipes qui vont se placer là, là, ils vont investir de l'argent. Ils vont peut-être mettre 50 000, 100 000. Ils vont dire, là, là, si vous nous donnez des conditions de raisin, regardez, bonsoir, merci, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Nous autres, on veut s'amuser comme tout le monde, on va avoir du fun. Puis on va avoir du respect aussi, parce que j'ai déjà discuté avec les membres, puis ils trouvent que notre ligue manque énormément de respect. Ils ont regardé un peu les médias et tout ça. Alors, à partir de là aussi, il va falloir commencer, parce que là, le tournant s'en vient, puis les équipes s'en viennent. Là, on peut faire une vraie ligue. C'est pour ça que je pense que les propriétaires, parce que moi, je ne serai pas là l'an prochain. Alors, puis je finis mon terme. Et en recommandation, il va falloir qu'il y ait plus de respect entre les propriétaires de cette ligue-là, puis qu'ils commencent un petit peu à voir un peu plus loin, puis s'apercevoir qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Richard, est-ce que je peux te parler de rumeurs? Tu sais, à un moment donné, il y avait des rumeurs. Je vais me viser, là. Il y a des rumeurs, Michel Tifo se présente en politique. Ça s'est réalisé. Et rumeurs, Richard Martel se présente en politique. Ça s'est réalisé. L'année passée, rumeurs, Richard Martel deviendra peut-être commissaire de la Ligue nord-américaine. Ça s'est réalisé. Là, les rumeurs qu'on entend, Richard, t'es pas obligé de répondre, c'est des rumeurs. Les rumeurs voudraient que tu sois impliqué dans l'équipe de Robert Valle. Qu'est-ce que tu réponds à cette rumeur? Moi, je réponds avant... C'est quoi les rumeurs en politique? Je rentre-tu ou je rentre pas? Ça, pour ça, il faudrait que les élections soient déclenchées. On attend toujours, Richard. Ben, je peux le dire. Michel, les rumeurs sont toujours bonnes. Comme tu me dis, les rumeurs sont bonnes. Les rumeurs sont bonnes. Bon. Les rumeurs sont bonnes. Ça va bien continuer ton bon travail. OK. On va laisser les rumeurs de hockey plus tard. Ben là, tant que la politique ne sera pas passée, je ne pourrai pas parler. Fait qu'on va vivre dans les rumeurs. OK, tu peux pas parler. Mais j'ai un autre, je vais te poser une sous-question. Bon, si tu es en politique, admettons que tu es élu, tu peux-tu avoir des à côté? C'est quoi le... C'est comme moi, quand j'ai été élu, j'ai posé la question à la ville, je peux-tu continuer à travailler à radio? Ils m'ont dit oui. Ça, là, bien sûr que on a le droit de faire... Tu sais, si tu es élu, c'est sûr qu'il y a la grosse charge de travail et au gouvernement, puis c'est pour ta population aussi, c'est pour ton monde. Mais c'est certain qu'on peut avoir des activités à côté, puis si les propriétaires décidaient qu'ils voudraient que je siège sur le comité ou quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'on garderait ça, ou conseiller spécial, puis que je pourrais participer pour les aider, bien sûr que je vais être ouvert à ça si ça ne nuit pas tout à l'heure à la politique. OK. Les assistants, ça a été un peu difficile cette année, mais dans les séries éliminatoires, ça va drôlement bien dans la Ligue nord-américaine. C'est exactement. Exactement. Alors, à partir de là, il y avait un monsieur de Granby qui était à Sorel vendredi soir, qui a tombé sur le dos de la façon qu'il y avait de l'énergie dans l'aréna, qu'il y avait du monde, il y avait 3000 personnes. Alors, tu sais que c'est dans les séries éliminatoires qu'il faut promouvoir le plus possible cette Ligue-là. Puis, vu que le Canadien est débarqué, ben, c'est là qu'il faut tout mettre le focus sur la Ligue nord-américaine, où RDS était là, puis j'étais présent. Puis d'ailleurs, il va y avoir des reportages sur la Ligue nord-américaine à partir de cette semaine. Oui. Et aussi à l'antichambre. Alors, Yannick Lévesque va en parler énormément. D'ailleurs, j'ai fait une entrevue avec lui à Sorel. Puis lui, il trouve que c'est un coup de circuit présentement, les séries éliminatoires. 3000 à une place, 3002 à l'autre place. Puis dans toutes les équipes aussi, parce que Thetford, lorsqu'ils ont gagné leur 2-3, ils ont rentré après ça, ils ont continué à demi-finale. C'est là qu'ils ont eu leur meilleure assistance de l'année. L'an passé, en finale, il y avait moins d'assistance que présentement dans les séries. Alors, c'est sûr que ça va très bien, dû au fait qu'on a parti l'année tout croche, avec un commissaire qui avait zéro expérience. Il ne faut pas oublier ça non plus. Oui. Qui pourrait remplacer Richard Martel la saison prochaine? Je ne sais pas, moi, c'est ça aux gens. Moi, c'est certain que j'en connais. S'ils me disent, s'ils n'en trouvent pas, ils me demandent. OK, ben moi, je te le demande. Admettons qu'on n'en a pas, là. Moi, je te pose la question. Qu'est-ce qui tu suggérerais pour prendre ta place? Tu dis que tu as des noms. Tu peux pas? Non, OK. Parce que s'ils disent que ça vient de Richard, ben là, il y a peut-être des gens qui vont penser encore que, bon, ben là, il y a encore un parti pris, puis ça. Mais là, c'est les gens décider s'ils sont capables d'en trouver un. Mais l'an passé, ils ont essayé d'en trouver tout l'été, mais ils n'ont pas trouvé. Possiblement qu'ils vont en trouver cette année. Mais être commissaire de la Ligue nord-américaine, si les choses ne changent pas, parce qu'il y a énormément de chiolage à l'intérieur, ça use les gens en place. À un moment donné, ils n'auront pas. Tu en parleras à Phil, qui a été 2 semaines comme commissaire préfet de discipline. Oui, je lui en ai parlé. Des préfets de discipline, là, il y en a passé 30, je pense, au cours de l'histoire. Et, ouais. Ça reste pas en place. Donc, il y a des choses qui doivent changer. Quand je te dis, il faut que ça soit les propriétaires, mais ensuite de ça, qu'ils laissent aller les dirigeants de la Ligue. C'est ça qu'il va falloir qu'ils fassent. En terminant, Richard, la semaine dernière, on a parlé avec un collaborateur avec qui on a jasé pendant tout l'hiver dans l'émission. Il s'appelle Michel Bureau. C'est un animateur de radio de la région de Montréal. Puis il nous a raconté la semaine dernière, il dit, parce qu'on parlait de toi, il dit, ben oui, Richard, je le connais comme il faut. Il dit, je lui ai même donné un coup de main. C'est avec Saint-Hyacinthe, avec le laser, quand tu as commencé ta carrière? Non, c'est pas avec le laser. C'est Michel Bureau, là, il m'a pas aidé un petit peu. Ça a été l'élément, ça a été la personne qui m'a permis de passer de Chicoutimi-Lessignéen adjoint à Collège français comme adjoint. Ah, c'était Collège français. C'est lui qui a fait le lien parce que Pierre Kremer était en poste comme DG. Puis ensuite de ça, c'était Alain Rajotte qui coachait dans la région de Montréal. Puis moi, c'était le gars du Saguenay qui voulait absolument traverser puis rentrer dans la grande ville du hockey, comme ils disent, à Montréal, la clique de Montréal. Alors, Michel Bureau, je l'ai rencontré à la Coupe Mémorial. Puis c'était ma deuxième année avec les Saguenayens. Puis Joe m'avait amené là-bas, Joe Canale, à la Coupe Mémorial. Puis c'est là que j'ai eu des contacts avec. Puis il m'a fait rencontrer M. Portal, le propriétaire du Collège français, puis c'est là que j'ai eu ma job, c'est à cause de Michel Bureau. Puis Michel Bureau, il va toujours avoir une place dans mon cœur, parce que ça a été, encore une fois, qui a permis mon ascension dans le hockey. Est-ce que tu es content, dernière question vite, es-tu content de ton cheminement dans le sport, puis là, ben, ça va être la politique bientôt, là. Oui, mais là, jusqu'à... Faut que tu sois content de ce que tu fais. Ce que j'ai fait au hockey, je suis content. C'est sûr qu'il y a toujours des affaires. C'est parce que la maturité, elle vient avec, hein. Je l'ai toujours dit. Le problème, c'est qu'on arrive à une cinquantaine d'années, puis là, on a la maturité, puis on est encore meilleur, mais on n'a plus l'âge, là. L'âge, elle continue à monter. Alors, quand tu arrives avec une nouvelle génération qui prend ta place, ben souvent, elle n'a pas l'expérience que tu as, mais c'est comme ça, la vie. Alors, c'est sûr que quand on regarde tout ça, je pense qu'il y a des belles années de fête. La Ligue nord-américaine, si on arrive à l'extension, là, moi, je vais être le gars le plus heureux, parce que j'avais dit à Marc Boivin, puis Marc me l'avait dit, Richard, ça nous prend de l'expansion. Tous les propriétaires, en début d'année, m'ont dit, Richard, la chose la plus importante, là, t'as beau nous amener des commanditaires, j'ai amené 20 000 de commanditaires. Il dit, t'as beau amener des commanditaires, Richard, ça prend de l'expansion. J'ai dit, c'est correct, les gars. Puis ils m'ont donné un challenge, puis ils m'ont donné un défi. Je veux absolument, avant de quitter cette ligue-là, d'amener au moins une équipe d'expansion. C'est plus, ça sera plus. Richard Martel, merci beaucoup. Je veux juste te dire en terminant que l'entrevue est écoutée un peu partout dans la Ligue. Sur Internet, on a eu des messages de Rivière-du-Loup, de Sorel et de la région de Québec. Donc, très populaire, monsieur le commissaire. Oui, populaire. Contesté des fois, mais populaire. Puis à mon avis, l'entrevue est écoutée au Lac-Saint-Jean aussi, le Robertval dans ce coin-là. Ils ont dû entendre l'entrevue. D'ailleurs, dans quelques instants, on va faire entendre les commentaires du maire de Robertval, M. Sabin Côté. Richard Martel, merci de nous avoir jasé. Peut-être qu'on va se reparler bientôt parce que la saison de hockey n'est pas terminée. Et bonne chance en politique. Merci beaucoup, Michel. Merci, Dominique. Merci. Richard Martel, le commissaire.